voulez que les gens vous écoutent, vous ne pouvez pas vous contenter de leur taper sur l'épaule. Il faut y aller à coups de marteau. C'est seulement comme ça que vous allez retenir leur attention. Alors explique-moi. Qu'est-ce que tu as de tellement spécial qui fait que les gens t'écoutent ? Je représente mon crew à bord de Paul Watt. Puissant manier le mic avec dextérité. Message authentique, ma politique réfléchie. Les acariens. Les révolutionnaires à la tchè. Y'a de la force pour les frères. Bref, je rappe pour mes refs, pour mes russes. Vous savez ce qui est le plus effrayant ? D'ignorer quelle est sa place dans ce monde. D'ignorer pourquoi on est ici. Blaaaaaa. Viens ton foutre de merde, dis en beauté. C'est quoi qui cloche tous ensemble. Unis de Marseille à Paris. Vous êtes ton état, je vous garde, je sois agité. C'est pas très compliqué les gens. Peut-être bon, peut-être mauvais. En général on a l'air de ce qu'on est.